reçu cette lettre du gouvernement. Gouvernement. Dessus il y a noté: on t'attend, on t'attend. Pourtant j'ai pas envie d'aller au recrutement, au recrutement. Mais ils vont m'y forcer, méchamment, méchamment. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi je dois faire ça? Ils devraient engager que les contents, les contents. Il n'y en aurait pas assez, simplement, simplement. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, mais c'est aberrant, c'est aberrant. La Suisse a besoin de militaires, mais pas autant, pas autant. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi je dois faire ça? Jouer à la guéguerre, c'est repoussant, repoussant. Tout ça, c'est pas de ma faute, je suis non-violent, non-violent. Si j'étais une fille, ce serait différent, différent. Mais je suis un petit mec, mécontent, mécontent. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Je dois faire ça. Se rouler dans la boue tout le temps, tout le temps. Des marches de 50 kills continuellement, continuellement. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend, c'est ce qui m'attend. Alors mon colonel, je vous dis non, je vous dis non. Vous me direz pourquoi? Vous me direz pourquoi? Mais désolé, je peux pas. Vous me direz pourquoi? Vous me direz pourquoi? Mais désolé, je peux pas faire ça.